Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de langue française dont voici les titres. Un nouveau type de fertilisant appelé Otecha va remplacer l'ancien appelé Imbura pendant la saison culturelle B qui s'annonce, vous le souvenez dans ce journal. Les responsables des médias sont rappelés à faire immatriculer les journalistes à l'Institut national de la sécurité sociale. Grogne de certains citadins exerçant des activités au marché Cotebou pour cause de la hausse des prix des nourritures dans de petits restaurants. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayong à la présentation. Albin Ndoye sur la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page politique. Le président du Sénat conseille aux politiciens d'éviter les mots et les discours de haine lors du prochain processus électoral et à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante et CENI, d'être caractérisé par l'impartialité pour aboutir aux élections crédibles et apaisées. Emmanuel Sinzo Hagera a tenu ses propos ce mardi à Gitega dans son discours d'ouverture dans l'atelier d'échange sur le contentieux électoral et la consolidation de la paix et la sécurité à l'intention de tous les intervenants dans le processus électoral, dont les hommes politiques, la société civile et l'administration, les représentants des confessions religieuses et d'autres. Suivez-les dans cette traduction en français de Gérard Nibigir. Inama ngenguzamateka ifatikanije n'ishyirahamwe Rukristo ICM yabonye ko bikeneye kwiyokoranya indongozi zitandukanye z'igihugu. Le Sénat, en collaboration avec l'Organisation International Christian Ministry, a jugé bon de rassembler différents responsables du pays pour dialoguer et échanger sur ce qui doit être fait afin d'éviter les contentieux qui peuvent surgir avant, pendant et après les élections prochaines, pouvant ainsi perturber la paix et la sécurité. L'expérience du passé nous a montré que certains ont parlé des élections incrédibles, d'autres se sont retirés des processus électoraux pour donc éviter que cela ne se reproduise. Le Sénat a trouvé que c'est mieux de rassembler tous les intervenants dans des élections prochaines pour prévenir. C'est ainsi que tous les secteurs pouvant donner leur contribution dans cette optique ont été invités à participer dans les travaux de l'atelier du jour. En ce qui nous concerne, nous conseillons les politiciens d'éviter les discours de haine, quitte à éviter toutes sortes de contentieux. Les politiciens sont aussi appelés à respecter la loi électorale et respecter le verdict des urnes, les responsables et les administratifs et territoriaux. Nous vous demandons de faire preuve de sagesse et d'impartialité, de respect de la loi et nous vous demandons aussi d'intervenir en tant que bon conseiller partout où ça sera nécessaire. À la CENI, nous demandons de mettre sur un même pied d'égalité tous les compétiteurs électoraux sans discrimination aucune, tout en respectant la loi et en agissant rapidement et impartialement chaque fois qu'il y a besoin. Bubahirize amategeko bafate ingingo mu mwanya ubereye ataka mwana wa mama. Page agriculture, le porte-parole du Premier ministre Di Bondi indique qu'un nouveau type de fertilisant appelé Otecha va remplacer l'ancien fertilisant appelé Imbura pendant la saison culturelle B qui s'annonce. Il demande aux agriculteurs de bien l'accueillir. En outre, il rappelle les agriculteurs à semer le haricot dans des champs de maïs et sans attendre sa récolte pour éviter que les précipitations de la saison culturelle B ne prennent fin avant la maturité du haricot. Il indique aussi que les récoltes de la saison culturelle A seront bonnes dans l'ensemble malgré quelques disparités régionales. C'était au cours d'une réunion à huis clos du Premier ministre burundais avec tous les intervenants dans le secteur agro-pastoral. Écoutez Moïse Nkurunziza. Concernant l'évaluation de la saison culturelle A, son excellence Monsieur le Premier ministre a donné la parole aux responsables des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage, qui ont promis que la récolte sera bonne, malgré qu'il s'est fait remarquer dans certaines localités un déficit hydrique. Sur le deuxième point concernant la préparation de la saison culturelle B, les responsables du secteur semencier et du secteur de l'engrais ont présenté l'état de lieu des préparatifs pour cette saison culturale B. Le responsable du secteur fertilisant a annoncé que dès cette saison culturale B, le gouvernement du Burundi compte introduire une nouvelle variété de fumier qui s'appelle Otesha. C'est un fumier qui a presque les mêmes propriétés que l'anglais communément appelé en Kirundi Imbula. Et sur ce, son excellence, monsieur le Premier ministre, a invité les responsables agricoles, les responsables administratifs du niveau provincial au niveau coronaire pour informer la population, les agriculteurs, sur cette nouvelle variété de fumier pour que la population, pour que les agriculteurs sachent bel et bien que ce fumier fonctionne ou fera de même que Imbula. En terminant, son excellence, monsieur le Premier ministre, a invité les responsables agricoles, tant agricoles qu'administratifs, de sensibiliser la population pour ne pas attendre la récolte définitive des maïs, mais pour y planter, pour y cultiver, en fait, des plantes de haricots, pour parier au retard qui s'est déjà fait remarquer, pour planter ces haricots, afin que la pluie n'aille le plus tôt avant que ces haricots puissent prendre les racines pour donner de bonnes récoltes. Toujours dans l'agriculture, certains habitants de la province Makamba se réjouissent de la campagne de vente de grains de maïs collectés par la Nagesa. Cependant, d'autres déplorent que l'État a lancé cette campagne un peu tardivement au moment où la récolte d'autres maïs s'annonçait. Selon les mêmes habitants, l'État devrait les mettre en vente à temps car ils les ont cherchés, mais en vain, d'où le prix a grimpé. Au marché de Makamba, un kilo de maïs s'achète actuellement à un prix variant de 2100 à 2400 francs, alors qu'il était de 2700 francs à 3000 francs avant cette campagne de vente de maïs par la Nagesa. Le point avec Élisée Cuisère. Dans cette province de Makamba, certains des habitants saluent la campagne de vente de grains de maïs collectée par l'Agence nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire à Nagesa. Ils disent que ceux qui ne disposent plus de grains de maïs chez eux profitent de cette agence pour acheter et nourrir leur famille. Cependant, d'autres, dont les commerçants, déplorent que la campagne de vente de ces grains de maïs a commencé un peu tardivement, sous prétexte que la récolte de maïs s'annonce chez certains cultivateurs au moment où ils cherchaient ces grains de maïs mais en vain. Avant cette campagne, les commerçants disent qu'ils s'approvisionnent en petite quantité, de peur de ne pas perdre suite au nouveau maïs en train d'être récolté. Un des acheteurs avec lequel nous sommes entretenus trouve quant à lui que la récolte des grains de maïs par la Nagesa a contribué à la montée des prix de ce produit. Selon lui, avant, 1 kg de maïs s'achetait autour de 1300 francs pendant la récolte. Mais aujourd'hui, le même kilogramme s'achète à plus de 2000 francs. À l'heure actuelle, 1 kg de maïs s'achète à un prix variant de 2100 francs à 2400, alors qu'il était de 2700 à 3000 francs avant cette campagne. S'agissant des données en rapport avec la quantité de maïs qui avait été collectée et celle déjà vendue dans la province de Makamba, le responsable de la Nagesa dans cette province, Étienne Bayoubahé, n'a pas voulu s'exprimer à propos. Depuis Makamba, Élisée Cuisera, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Radio Isanganiro, le journal continue en langue française, page communication. Le Conseil national de la communication rappelle aux responsables des médias qu'il faut faire immatriculer les journalistes à l'Institut national de la sécurité sociale. Lors d'un atelier d'échange avec les responsables des médias et les journalistes formés en matière de protection sociale ce mardi, Laurent Kaganda, vice-président du CNC, indique que des mesures contraignantes seront prises en défaveur des responsables défaillants à cette obligation. Suivez-les. Les responsables des médias sont informés que chaque employé doit avoir un contrat de travail et inscrit dans la législation sociale. C'est l'article 50 de la loi du 12 juillet qui le dit. Si je peux vous le lire intégralement, les journalistes ont droit à un contrat de travail et aux prestations prévues par la législation sociale. Si les responsables des médias savent qu'ils doivent immatriculer leurs employés après avoir affilié leurs médias à l'Institut national de sécurité sociale, c'est que c'est un devoir. Ce n'est pas un choix, mais plutôt une obligation. Les responsables des médias connaissent ça. Et ils doivent immatriculer leurs employés à l'INSS. Absolument. Et aucun responsable des médias ne peut prétendre amener les dossiers de demande de la carte de presse au Conseil national de la communication si les contrats signés entre l'employeur et l'employé ne comportent pas une disposition qui parle du contrat de travail et de l'inscription à la législation sociale. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il peut y avoir un responsable d'un médium défaillant. Et la défaillance, même si elle est humaine, elle doit être corrigée à temps. Parce que si un responsable d'un médium ne remplit pas toutes ces conditions et s'il apporte un dossier de demande de carte de presse pour ses employés, il ne pourra pas en avoir. En aimant comme en demi, il faut savoir que les responsables des médias sont déjà informés de ça. Et s'il y a un responsable d'un média défaillant, nous l'appelons, nous l'interpellons, nous lui prodiguons des conseils. S'il ne saisit pas les conseils, nous allons alors prendre d'autres mesures plus contraignantes, comme vous l'avez dit dans votre question. Page société à présent, certains citadins exerçant leurs activités au marché de Cotebu en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura se lamentaient pour cause de la hausse des prix des aliments dans de petits restaurants de la localité. Ils justifient cela par rapport à l'année dernière quand ils pouvaient prendre leur repas entre 1 et 1500 francs bondés, mais qu'actuellement ils se nourrissent entre 3000 et 5000 francs bondés. Il demande au gouvernement de trouver solution à la pénurie de carburant ainsi que le manque de devises parce qu'il trouve cela à l'origine de la hausse de ses prix. Le point avec Ariela Chimiliman. Ce sont des citoyens exerçant différentes activités tout près du marché de Cotebu. Ces populations qui se nourrissent dans des petits restaurants de cette localité se lamentent suite à la flambée de prix des aliments qui s'observent ces derniers jours. Ils utilisent une somme variant entre 3000 et 5000 francs par assiette, alors que l'année passée, ils consommaient autour de 1000 francs et 1500 francs, comme ils le confirment. Quant aux commerçants œuvrant dans ces restaurants, ils disent que le prix d'achat de denrées alimentaires est très élevé et qu'ils travaillent quelquefois à perte. Ces citoyens demandent au gouvernement de trouver une issue favorable à la pénurie de carburant qui persiste dans le pays, mais également répondre aux défis liés au manque de devises, car pour eux, ce sont des difficultés qui causent la hausse des prix. Ceux qui sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro trouvent que le pays est dans la période de récolte et que ce qui reste difficile est de déplacer la production à l'intérieur du pays dans ce contexte de pénurie de carburant. Merci à Ariela Chimilimana. Je vous rappelle que vous suivez le journal sur les ondes de la radio Isanganiro. Dans le domaine du transport, les chauffeurs œuvrants sur la route nationale numéro 1 et 2, Bujumbura-Gitega et Bujumbura-Kayanza, ont observé un mouvement de grève ce mardi matin durant presque 3 heures. Les raisons, selon le président de ces chauffeurs, seraient de lourdes amendes leur infligées par la police quand ils vont à l'encontre des prix fixés par le gouvernement ou le nombre limité de passagers. Après une réunion avec la police de Bujumbura, ils ont repris leur travail. Dit comment appelle le président de ces chauffeurs demande à l'État de leur fournir du carburant en quantité suffisante pour que leurs activités continuent. Écoutons le traduit en français par Jean-Claude Nyomukidz. Le matin de ce mardi, les chauffeurs ont observé un mouvement de grève. Nous leur avons demandé la raison de cet arrêt du travail. Ils ont expliqué qu'ils s'approvisionnent en carburant dans des conditions difficiles et la police leur inflige une lourde amende en cas de récidive. Nous demandons à l'État de nous offrir une station-service et enregistrer les véhicules qui s'y approvisionnent. Nous demandons aussi qu'il y ait une commission au niveau du parking pour s'assurer que ces véhicules font le transport comme il se doit, ce qui sera une bonne chose pour les passagers. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi va parler sur l'infection provoquée par un type de bactérie qui vit dans la muqueuse de l'estomac appelée par Helicobacter pylori. Docteur Yves Nyonguru indique que la transmission de la bactérie est très souvent intrafamiliale, contact salivaire direct comme le partage des aliments mâchés à l'enfant. Il souligne que les symptômes apparaissent longtemps, après 5, 10 ans ou même plus. Un de ces symptômes est la sensation de prurir à l'estomac. Chronique santé avec Ornella Mouchou. On désigne par le terme Helicobacter pylori une bactérie qui vit dans la muqueuse de l'estomac et provoque à la longue des maladies gastriques. Selon les explications données par Dr Yves Nyonguru, la contamination s'effectue généralement pendant l'enfance et persiste en l'absence de traitement pour l'éradiquer. Il indique que la bactérie est transmise par contact direct avec la salive ou les selles d'une personne infectée. Lorsque la maman ou un parent ou quelqu'un qui garde l'enfant mâche les aliments et puis il donne à l'enfant. Et la bactérie peut se retrouver dans la salive. Et lorsqu'il mâche les aliments pour en faire les donner à l'enfant, l'enfant peut être contaminé par la bactérie. Et puis, la bactérie peut être éliminée par les selles. Et lorsqu'il n'y a pas de mesures propres ou appropriées d'hygiène, l'enfant peut contracter la maladie par la mauvaise hygiène familiale là où il est. Ou bien c'est cas où la personne est malade, commence à vomir et qu'il y a contact de l'enfant avec les vomissures. L'infection par Helicobacter pylori demeure la plupart du temps asymptomatique. Et lorsque ces symptômes apparaissent, ils comprennent une douleur ou une sensation de gêne dans le haut de l'abdomen. Souvent, lorsque la bactérie arrive à provoquer les manifestations sont dominées par des douleurs abdominales, surtout dans la région haute, que je dirais au niveau de l'épigastre, au niveau épigastrique. C'est là où va siéger beaucoup les douleurs. Et puis, ça peut s'accompagner par des vomissements. Et à la longue, si c'est au stade des complications, on peut avoir des vomissements mélangés du sang qu'on appelle hématémèse. Les personnes infectées, s'ils sont déjà au stade de la manifestation, ils présentent les mêmes symptômes. Mais toutes les personnes infectées ne présentent pas les symptômes. Comme on l'a dit, ça peut rester longtemps dans l'estomac et que ça ne provoque pas de maladie. Le diagnostic peut être fait sur l'analyse de selles ou d'un examen de l'estomac. Au Burundi, on peut détecter la bactérie. Donc en faisant des tests, soit au niveau des matières fécales, parce que la bactérie vit dans l'estomac, elle peut être éliminée par les selles. Donc si on fait le test dans les selles, on peut retrouver la maladie. Mais aussi, on peut faire le test au niveau du sang et on se rend compte qu'il y a la maladie. Donc le test sanguin et le test au niveau des selles peuvent nous renseigner si la maladie. S'il est bien suivi, le traitement de cette bactérie Helicobacter pylori de 7 à 14 jours est efficace dans 80 à 90% des cas. On est là, mucho. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes. We'll be right back.